Ceux qui aiment Dieu lui obéissent. Leur cœur montre de la bonté. Ceux qui ne l'aiment pas se rebellent. Ils luttent pour leur destin, ils sont inconscients. Ceux qui aiment Dieu veulent la justice, aiment la vérité, vivent selon ses paroles. Ils ont des cœurs honnêtes, fidèles, purs. Ils ne peuvent plus jamais quitter Dieu. Ceux qui n'aiment pas Dieu sont des traîtres, des perfides. Ils sont malins, des intrigants, remplis de leur propre intérêt. Ceux qui aiment Dieu considèrent son cœur, dépensent fidèlement, endurent les épreuves sans se plaindre, ne pensent jamais à la récompense. Tous sont exposés dans l'œuvre de Dieu, ses paroles sont comme un miroir. Tous peuvent s'examiner par sa révélation, découvrir qui ils sont vraiment. Ceux qui aiment Dieu le craignent, pratiquent la vérité. Quand ils la comprennent vraiment, oui, quand ils la comprennent vraiment. Quant aux autres, leur cœur est sans lui, ils méprisent la vérité, agissent obstinément. Ils sont haïssables, n'est-ce pas? Ceux qui aiment Dieu cherchent constamment sa volonté, lui obéissent complètement. Ils parlent et agissent selon des principes. Ils sont d'un seul cœur avec lui, partagent ses pensées et soucis, tiennent compte de sa volonté, portent témoignage à travers les épreuves. Tous sont exposés dans l'œuvre de Dieu, ses paroles sont comme un miroir. Tous peuvent s'examiner par sa révélation, découvrir qui ils sont vraiment. Ceux qui aiment Dieu veulent le connaître et changer de tempérament. Ils se soumettent à ses arrangements sans une plainte. Leur cœur qui aime Dieu ne change pas. Tous sont exposés dans l'œuvre de Dieu, ses paroles sont comme un miroir. Tous peuvent s'examiner par sa révélation, découvrir qui ils sont vraiment. Tous sont exposés dans l'œuvre de Dieu, ses paroles sont comme un miroir. Tous peuvent s'examiner par sa révélation, découvrir qui ils sont vraiment.